je l'ai senti mal, j'ai plus de sentiments. Déjà qu'on se mitonne, s'il te plaît parle-moi gentiment. On fait que se mentir, tu me dis jamais où t'es. Tu sais pas où je suis, notre relation est floutée. Mais non ma sarrasine, je suis pas résigné. J'ai le cœur en signant, c'est dur de se réconcilier. Fais pas ton cinoche, dis-moi c'est qui ce mec. Dis-moi qui m'aime plus, que je retourne à mon business. Quoi tous ces mythos, j'ai plus le temps, j'ai plus l'inspi, ça me gave. Ça sert à quoi tous ces mythos, j'ai plus le temps, j'ai plus l'inspi, ça me gave. Ouais, ouais, ouais. Et on se mitonne autant qu'on se manque. Je pense à t'éviter mais je ressens le manque. Pas de vérité entre nous ma grande. Oui, ah, je t'ai bien menti, ouais, ouais, tu m'as menti, ouais. Je t'ai bien menti, ouais, ouais, tu m'as menti, ouais. Je t'ai bien menti, ouais, ouais, tu m'as menti, ouais. Je t'ai bien menti, ouais, ouais, on est quitte, ouais. J'ai plus de balles dans mon barillet. Je me sens coupable d'avoir pensé que je pouvais la marier. Pour t'affranchir, je vais pas franchir ces putains de barrières. Mais aujourd'hui, je ressens ce que je ne ressentais pas hier. Elle me manque, frère. Et je lui manque, je sais. Elle mène son enquête. Il faut même pas que j'essaie. Elle me manque, frère. Et je lui manque, je sais. Elle mène son enquête. Il faut même pas que j'essaie. Ça sert à quoi tous ces mythos? J'ai plus le temps, j'ai plus l'inspi, ça me gave. Ça sert à quoi tous ces mythos, j'ai plus le temps, j'ai plus l'inspi, ça me gave. Ouais, ouais, ouais. Et on se mitonne autant qu'on se manque. Je pense à t'éviter mais je ressens le manque. Pas de vérité entre nous ma grande. Oui, ah, je t'ai bien menti, ouais, ouais, tu m'as menti, ouais. Je t'ai bien menti, ouais, ouais, tu m'as menti, ouais. Je t'ai bien menti, ouais, ouais, tu m'as menti, ouais. Je t'ai bien menti, ouais, ouais, on est quitte, ouais. Tu m'as menti, ouais. Je t'ai menti, ouais. Tu m'as menti, ouais.